Premier livre des Chroniques, chapitre 27. Or quant aux enfants d'Israël, selon leur dénombrement, il y avait des chefs de pairs, des gouverneurs de milliers et de centaines, et leurs prévôts, qui servaient le roi selon tout l'état des départements, dont l'un entrait, et l'autre sortait, de mois en mois, durant tous les mois de l'année, et chaque département était de 1 et 4 000 hommes. Et Jasobam fils de Zabdiel présidait sur le premier département, pour le premier mois, et dans son département il y avait 20 et 4 000 hommes. Il était des enfants de Pharé, chef de tous les capitaines de l'armée du premier mois. Dodaïaoïd présidait sur le département du second mois, ayant Miklot pour lieutenant en son département, et dans son département il y avait 20 et 4 000 hommes. Le chef de la troisième armée pour le troisième mois, était Benaja fils de Jéhojada sacrificateur, et capitaine en chef, et dans son département il y avait 20 et 4 000 hommes. C'est ce Benaja qui était fort entre les 30, et par-dessus les 30, et Amizaba son fils était dans son département. Le quatrième pour le quatrième mois, était Azarel frère de Joab, et Zébadia son fils, après lui, et il y avait dans son département 20 et 4 000 hommes. Le cinquième pour le cinquième mois, était le capitaine Samut de Gisra, et dans son département il y avait 20 et 4 000 hommes. Le sixième pour le sixième mois, était Tira fils d'Ikietekoït, et dans son département il y avait 20 et 4 000 hommes. Le septième pour le septième mois était Télépélonite, des enfants d'Ephraïm, et il y avait dans son département 20 et 4 000 hommes. Le huitième pour le huitième mois était Sibokaï Usatite, de la famille des Arites, et il y avait dans son département 20 et 4 000 hommes. Le neuvième pour le neuvième mois, était Abiézé Anatotite, des Benjamites, et il y avait dans son département 20 et 4 000 hommes. Le dixième pour le dixième mois était Naraïnetophatite, de la famille des Arites, et il y avait dans son département 20 et 4 000 hommes. L'onzième pour l'onzième mois était Benaja Piratonite, des enfants d'Ephraïm, et il y avait dans son département 20 et 4 000 hommes. Le douzième pour le douzième mois était Eldaïnetophatite, appartenant à Otniel, et il y avait dans son département 20 et 4 000 hommes. Et ceux-ci présidaient sur les tribus d'Israël, et Eliézé fils de Zikri était le conducteur des Rubénites. Des Siméonites, c'est Fatia fils de Maaka. Des Lévites, Azabia fils de Kemuel. De ceux d'Aaron, Sadoc. De Judas, Élu, qui étaient des frères de David. De ceux d'Issacar, Henri fils de Michaël. De ceux de Zabulon, Jismaïa, fils d'Obadia. De ceux de Nephtali, Jérimoth fils d'Azriel. Des enfants d'Ephraïm, Osé fils d'Azazia. De la demi-tribu de Manassé, Joël fils de Pédaja. De l'autre demi-tribu de Manassé en Galaa, Jido fils de Zachari. De ceux de Benjamin, Jaaziel fils d'Abné. De ceux de Dan, Azaréel fils de Jéroam. Ce sont là les principaux des tribus d'Israël. Mais David ne fit point le dénombrement des Israélites, depuis l'âge de 20 ans et au-dessous, parce que l'Éternel avait dit, qu'il multiplierait Israël comme les étoiles du ciel. Joab fils de Tseruya avait bien commencé à en faire le dénombrement, mais il n'acheva pas, parce que l'indignation de Dieu, s'était répandue à cause de cela sur Israël, c'est pourquoi ce dénombrement, ne fut point mis parmi les dénombrements enregistrés dans les chroniques du roi David. Or Azmaveth fils d'Adiel, était commis sur les finances du roi, mais Jonathan fils d'Uzija était commis sur les finances qui étaient à la campagne, dans les villes et aux villages et aux châteaux. Ezri, fils de Kélub, était commis sur ceux qui travaillaient dans la campagne au labourage de la terre. Esimiramatite sur les vignes, et Zabdisifnien sur ceux qui provenaient des vignes, et sur les celliers du vin. Et Baalanangédrite sur les oliviers, et sur les figuiers qui étaient en la campagne, et Joa sur les celliers à huile. Et Sitraï Saronite, était commis sur le gros bétail qui paissait en Saron, et Safa fils d'Adlaï sur le gros bétail qui paissait dans les vallées. Et Obilismaélite sur les chameaux, j'ai de Jaméronotite, sur les ânes. Et Jazizagarénien sur les troupeaux du menu bétail. Tous ceux-là avaient la charge du bétail, qui appartenait au roi David. Mais Jonathan, oncle de David, était conseiller, homme fort intelligent et scribe, et Jehiel fils d'Acmoni, était avec les enfants du roi. Et Achitophel était le conseiller du roi, et Cusaï Arkite était l'intime ami du roi. Après Achitophel était Jéhojada fils de Benaja et Abiatar, et Joab était le général de l'armée du roi.